Unité 2. 2B. Série A. 67. 84. 82. 97. 78. 46. 99. 27. 63. 29. Série B. 77. 24. 92. 17. 68. 46. 89. 72. 63. 99.